parce que tu fais du piano que t'es à côté de tes pompes, c'est ça? Arrête, hein. Arrête tout de suite. Hein. Mais je suis pas à côté de mes pompes. Je suis pas à côté de mes pompes, mec. Justement, je m'éclate, je me sens super bien. C'est... T'as rien compris? C'est un truc qui est important pour moi, j'essaie de le faire sérieusement. Ouais. C'est génial. Tu vas gagner de l'argent, là, avec les pianos? Mais pas les pianos, putain, du piano. C'est pas du commerce. Je te parle d'un truc artistique, tu me parles de thunes, là. Mais nous, ça va nous rapporter quoi? Tu vas faire genre, j'arrive, je suis plus relax au rendez-vous, c'est ça? Salut les mecs, j'ai fait du piano. Bah moi je me mets au banjo, tiens. L'écriture mon point de fuite, le hip-hop ma perspective, la musique mon violon dingue, elle m'obsède, me pervertit. Imagination, point d'orgue, un travail empreint d'or, pointilleux, jusqu'au pointillé. Je suis tatillon, sans jamais boitiller, passionné par la lettre, vois toutes mes rimes sur la palette, j'étale alors les couleurs sombres de ma planète. J'ai la trouvaille en ligne de mire, les idées germent en liste de rimes et s'accompagne d'un style de vie où là ne compte qu'un stylo bille, un support en papier et la recherche de synonymes. Je suis un suppôt de la création, je cherche rien d'autre que l'harmonie. Une rature à l'encre bleue, le dictionnaire que j'entrevois. Ma nature de cancreux est affiliée à autrefois. J'ai sectionné l'attente, les vœux pour m'atteler à l'autre moi. Celui qui rigoureux a étudié de son propre choix, celui qui vigoureux a calculé la preuve par trois. Je voulais juste te dire que des fois tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes raps dans le cartable, la pensée en action, la peinture ses modèles, le cinéma ma transition. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes raps dans le cartable, la pensée en action, la peinture ses modèles, le cinéma ma transition. Je suis sans peur de leur démarche, quand ils souhaitent me plaire ou tentent l'accroche par la débauche. J'ai la caboche pleine de bonnes ébauches et une tronche qui vous dépasse, le regard froid et le venin qui s'en échappe. Quand ils me croisent, se moquent de moi sous leurs écharpes. Vénal ils sont, radical je suis, toute cette ambiance théâtrale cesse. Quand j'articule mon premier texte, voici la sanction que je leur cède. Un fascicule de mots infects, mon récital sur fond d'orchestre. Je suis plus réfléchi parce que ma voix est mieux fléchée, mais je reste un môme bien indécis quant à leurs lois et leurs décrets. Mon parchemin c'est le récit et mes essais sont des missiles, donc un crayon ma tête, indéniable à la création. Je suis cette créature seule à la récréation, postée devant la grille de leurs institutions. Intellect dans synapse, donne virus dans tes sinus. Tu ne perçois plus que les syllabes sous forme de choc dans le plexus. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes dans le cartable, la pensée en action, la peinture, ses modèles, le cinéma, ma transition. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes raps dans le cartable, la pensée en action, la peinture, ses modèles, le cinéma, ma transition. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes raps dans le cartable, la pensée en action, la peinture, ses modèles, le cinéma, ma transition. 22 ans d'études pour un avenir en carton, l'arme à plénitude sous la forme d'un cartel. Mes raps dans le cartable, la pensée en action, la peinture, ses modèles, le cinéma, ma transition. La pensée en action, la peinture, ses modèles, le cinéma, ma transition. Transition.